soki omoni nga na nzela pesa nga mbote ya pamba kosalela nga enzombo te okoyokisa soni bakotuna yo tolingani ngai na yo bato nyonso bayebi ata tozali na matata tozali binemi te yeba soki ozalaki mama ya yesu nakosambela yo butu moi obosana te ave ave ave maria on s'est aimé comme des fous aujourd'hui tout est fini le ciel est gris je n'ai plus personne ma vie sans toi ne veut rien dire j'ai le mal de vivre j'ai fait semblant d'oublier l'amour est plus fort que moi ma vie se résume à un seul mot aimer plus rien n'existe encore t'en vas pas toi ma prière Ave Maria toi mon soleil je t'aime encore j'ai le mal de toi Ave Ave Ave Maria.